ciel est par-dessus le toit, si bleu, si calme. Un arbre par-dessus le toit berce. Dans le ciel qu'on voit doucement tête. Un oiseau sur l'arbre qu'on voit chante sa plainte. Mon Dieu, la fille est là, se plaît trop.